Bisou, une histoire écrite par Bacabou et lue par G0305. Résumé, premier bisou, mais pas sur la joue. D'habitude, Juleka n'était pas du genre à initier les contacts physiques. En fait, c'était toujours sa meilleure amie qui faisait le premier pas vers elle. Mais pour une fois, elle voulait que ce soit différent. Pour une fois, elle désirait être celle qui mènerait la danse. Alors sans réfléchir, elle prit la main de Rose dans la sienne et lui fit face. Agréablement surprise, la blonde pencha la tête sur le côté, cherchant à comprendre les intentions de la jeune femme derrière son regard fuyant. Même si leur position actuelle ne lui permettait pas de voir ses yeux, Rose ne rata pour rien au monde la jolie teinte intéressante qui avait pris les joues de Juleka. Sur le coup, elle la trouva si adorable qu'elle sauta sur l'occasion pour la taquiner à son tour. Lentement, comme pour ne pas l'effrayer, elle passa ses bras autour de son cou et l'attira vers elle, l'obligeant ainsi à se pencher. Elle en profita également pour blottir son visage au creux de son cou et inspira une bonne bouffée d'air. Aussitôt, le parfum qui émanait de sa bien-aimée emplit ses sens et elle se sentit fondre. Voyant cela, la brune souleva Rose et cette dernière enroula ses jambes autour de sa taille. Une petite main malicieuse se glissa dans la chevelure de Jet et remit une mèche à sa place, dévoilant ainsi deux ambres emplies de désir. Abandonnant la mèche rebelle, Rose caressa la joue de la brune et goûta ses lèvres pleines qui l'appelaient depuis tout à l'heure. Elle avait rêvé de cet instant plus d'une fois, mais aucun rêve ne pourrait égaler ce baiser. Il était éperdu, loin de toute la douceur et de la tendresse sur lesquelles elles avaient fondé leur relation. Mais il était parfait, et c'était tout ce qui comptait. Fin.